bidon de passage sous la lune. Ta bêtise fait crever par une gueule de micheton. Un petit fils de curé, te voilà comme un con. T'as buté le proxo dans une rue de Paname. T'as vidé les pruneaux, la Seine a pris ton arme. Et maintenant tu es seul à 20 ans fatigué. Comme une sale gueule, comme un vieillard usé. T'es rangé des voitures même si tu ne les voles plus. Y'a des absences qui durent et toi tu n'en peux plus. T'as 20 ans pour mourir sous ce soleil idiot. Tu es un dur à cuire, fragile comme un moineau. Tu rejoins ta bêtise au premier train qui passe. Je crois qu'il est minuit à l'horloge de la place. Des fonctionnarisés ramassent ta carcasse et vont prendre le thé dans le café d'en.